L'alcool perturbe la conduite et augmente le risque d'accident, même chez des conducteurs ne manifestant aucun signe d'ébriété. Des phénomènes de tolérance peuvent survenir chez certaines personnes qui souvent mettent en avant leur capacité à tenir l'alcool. Un consommateur occasionnel ressentira très vite des sensations d'ébriété, tandis qu'un consommateur régulier devra augmenter les doses pour ressentir ces mêmes effets. Mais l'un comme l'autre, dès 0,30 g d'alcool par litre de sang, connaîtront des perturbations du champ visuel et un allongement du temps de réaction dès 0,5 g par litre. Réponse A.